Infotrafic RTS. L'autoroute Lausanne-Neuchâtel est fermée entre l'échangeur d'Yverdon et Yverdon-Ouest suite à un déversement d'huile sur la chaussée en direction Neuchâtel. Tout de suite, c'est Histoire Vivante qui, toute cette semaine, s'intéresse à la presse. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, la presse. New York Herald Tribune. De part et d'autre de l'océan. Demandez France, soir, Paris, Presse, Le Monde. Naissance d'un nouveau pouvoir. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Bench. En 1495, deux ou trois canards étaient proposés chaque jour aux Parisiens. Beaucoup d'Américains, aujourd'hui célèbres, ont été autrefois vendeurs de journaux. Ainsi, Benjamin Franklin, Henry Ford. Quel nouveau modèle permettrait à la presse de vivre et qui veut encore payer pour des médias dits traditionnels alors que voici les réseaux sociaux d'imprimerie d'accès de l'indépendant de Littleton, journal hebdomadaire qui a plus de 60 ans d'existence. They are the fake, fake, disgusting news. La transaction est à présent officielle entre Christophe Blocher et Tamedia. Demandez le Figaro littéraire. Athanase Cuchefal-Clarigny aura été successivement économiste, journaliste, historien et bibliothécaire. Son œuvre écrite ira des finances italiennes à la fin du 19e à l'équilibre européen après la guerre de 1870, en passant par un ouvrage plus anecdotique, longuement intitulé « Entretien d'un vieux notaire de campagne et d'un cultivateur » au sujet de l'échange des rentes 4,5 contre du 3%. Monsieur Clarigny est aussi l'auteur d'une vaste somme sur l'histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis. Rédigé en 1857, ce sont des extraits de celle-ci, de cette somme de l'histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis, qui sont au menu cette semaine d'Histoire Vivante. Histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis, d'après Athanase Cuchefal-Clarigny. Chapitre 1er. Origine des journaux. Mon enfant, tu as fait fortune, dit un personnage de comédie. Il est temps d'avoir des ancêtres. Depuis que les journaux sont devenus une puissance, on leur a créé toute une généalogie. Le Moyen-Âge même apparu pour ses parvenus une origine trop récente. Et c'est à Rome, en attendant la Grèce, qu'on a placé leur berceau. Au premier jour, quelque érudit, renchérissant sur ses devanciers, retrouvera dans des inscriptions de prétendues traces des journaux de Sparte et d'Athènes. Malgré l'autorité de certains scientifiques, tels le docteur Johnson, malgré l'autorité encore plus considérable d'un des hommes les plus savants, les plus ingénieux de notre temps, malgré les autorités de quelques scientifiques et experts, on ne saurait voir des journaux dans les publications de l'ancienne Rome appelées Acta Diurna, les recueils quotidiens des actes du Sénat et du peuple. C'est avec aussi peu de fondement qu'on a fait naître les journaux à Venise. Cette opinion repose uniquement sur l'étymologie du mot « gazette », qui est incontestablement un mot vénitien. Au temps des guerres contre les Turcs, le gouvernement de Venise, pour satisfaire la légitime curiosité des citoyens, faisait lire sur la place publique un résumé des nouvelles qu'il avait reçues du théâtre de la guerre. Et on donnait une petite pièce de monnaie pour assister à cette lecture. Et cette petite pièce de monnaie s'appelait Gazzetta. De là, disent les étymologistes, le nom de gazette appliqué aux feuilles volantes contenant des nouvelles. Rien ne semble plus naturel et plus satisfaisant qu'une pareille conjecture. Par malheur, on ne trouve en Italie aucune trace de ces feuilles imprimées. Quant au aux lectures faites par ordre du gouvernement sur la place publique de Venise, elles avaient lieu probablement dans toutes les républiques italiennes, certainement à Florence, ainsi l'atteste une collection de documents manuscrits conservés dans la bibliothèque de cette ville. Ces documents, pas plus que les Acta Diurna de l'ancienne Rome, n'ont aucun rapport avec les journaux. De tout temps et en tout pays, les gouvernements ont eu besoin de porter leurs lois et leurs actes à la connaissance du public. Ici, on a fait publier des bans au son du tambour et par l'office du crieur public. Ailleurs, on a fait, à des époques régulières, des lectures à haute voix. Ailleurs, encore, on a eu recours à des inscriptions, tantôt gravées sur la pierre, tantôt tracées sur des tablettes mobiles. Depuis l'invention de l'imprimerie, on se sert presque uniquement d'affiches apposées sur les murs. Les moyens ont différé, le but a toujours été le même. Inscriptions, proclamations, lectures publiques, ce ne sont que des voies diverses employées par les gouvernements pour mettre la multitude au courant de ce qu'il était indispensable de savoir. Ce sont, si l'on veut, des publications officielles. Ce n'est pas là ce qu'on entend par des journaux. Chapitre 2. L'English Mercury. Le journal, lui, est fils de l'imprimerie. Il est impossible sans elle. Rapidité de publication, périodicité régulière, faculté de se multiplier à l'infini, condensation d'une foule de matières dans un espace étroit, toutes ces conditions, qui sont l'essence même du journal, ne pouvaient être réunies quand l'imprimerie n'existait pas. C'est donc dans les temps modernes, et encore à une date assez récente, qu'il faut placer la naissance des journaux. Les Anglais ont de bonne heure revendiqué pour leur pays l'initiative de ce genre de publication. Mais cette prétention reposait sur une fraude d'érudits dont personne ne peut plus désormais être la dupe. On conserve au British Museum, au milieu de la collection de vieux journaux, la plus complète qu'il y ait au monde, trois feuilles imprimées avec ce titre, The English Mercury, trois feuilles portant les numéros 50, 51 et 54, et une date, 1588. Il est question, dans une de ces feuilles, du départ de l'invincible Armada, dans une autre, d'un engagement entre Sir Francis Drake et la flotte espagnole, et de la capture du vaisseau le Saint-François, commandé par Don Pedro de Valdés. À la fin du XVIIIe siècle, le docteur Alexander Chalmers rencontra ces trois feuilles dans les recherches qu'il faisait au British Museum et ne conçut aucun doute sur leur authenticité. Ainsi, il fit honneur de l'invention des journaux à l'Angleterre et au règne d'Élisabeth, et il expliqua par la terreur profonde qu'avait inspiré l'armada aux Anglais le recours à un nouveau mode de répandre les nouvelles. Et sur la foi de ce docteur Alexander Chalmers, toutes les encyclopédies, tous les dictionnaires, tous les auteurs qui ont eu l'occasion de parler des journaux auront pendant un demi-siècle fait remonter au règne d'Élisabeth l'apparition de la première feuille périodique. Or, en 1839, un employé de ce même British Museum, M. Thomas Watts, s'avise enfin d'ouvrir le précieux volume qui contenait l'English Mercury. Au premier coup d'œil, il fut convaincu. Le prétendu journal de 1588 était l'œuvre d'un faussaire. Les caractères d'impression étaient manifestement de la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'examen du texte ne pouvait laisser aucun doute. Le faux journal donne à Sir Francis Drake le titre de chevalier plusieurs mois avant que cet officier ne le reçût vraiment de la reine Elisabeth. Il emploie des mots qui n'étaient encore point en usage au XVIe siècle. Il fait remporter une victoire par Drake un jour où l'amiral anglais courut au contraire le plus grand danger d'être pris par les Espagnols. L'employé du British Museum, Thomas Watts, va démontrer ainsi la fraude dont Chalmers a été la dupe, et des recherches postérieures lui permettront d'attribuer au second Lord Hardwicke la responsabilité de cette supercherie littéraire. En fait, le journal est né presque simultanément en Angleterre, en France, en Hollande et sous l'influence des mêmes causes. La controverse religieuse, si ardente au XVIe siècle, trouva dans l'imprimerie un instrument à la fois et un aliment. Les gros livres, trop longs à écrire, trop longs surtout à lire, firent place aux petits traités courants qu'il était facile de répandre. Les traités eux-mêmes furent supplantés par les manifestes, les proclamations, les satires, imprimés sur des feuilles isolées et habituellement d'un seul côté, qu'on obtenait à bon marché, qu'on se passait sous le manteau et qu'au besoin, on affichait pendant la nuit. Et l'usage va bientôt devenir général d'imprimer sur des feuilles séparées, de vendre à bas prix les relations de tous les événements remarquables, de tous les faits propres à affriander les lecteurs. On devait être naturellement conduit à réunir plusieurs événements sur la même feuille ou dans le même cahier, et le jour où l'industrie d'un homme, encouragée par la curiosité croissante du public, donnerait un titre uniforme à ces feuilles volantes, établirait entre elles un ordre de succession et leur assignerait un retour périodique, la Gazette, le journal, serait créé. Histoire de la presse en Angleterre et aux États-Unis, d'Athanase Cucheval-Clarini. Nouveau chapitre, les news. Si l'on s'attache à la question de priorité, les dates semblent être en faveur de la Hollande et de l'Angleterre. Dès les dernières années de la reine Elisabeth et les premières du roi Jacques Ier, on trouve, en effet, en Angleterre, un grand nombre de feuilles volantes et de placards intitulés « News », nouvelles, déjà. Ces news contiennent le récit d'événements qui se sont accomplis en Angleterre ou sur le continent. Dans ce dernier cas, le titre indique presque toujours que les nouvelles offertes au public sont traduites de l'original hollandais. Et ce soin, de la part des éditeurs anglais, suffirait seul à décider à l'avantage de la Hollande la question de priorité. Si l'on songe au rapport journalier qui existait alors entre l'Angleterre et la Hollande, à l'étroite alliance qui unissait les deux peuples depuis que les Pays-Bas s'étaient soulevés contre Philippe II, on ne sera pas surpris de voir un usage hollandais passer en Angleterre. À partir de 1619, un imprimeur du nom de Nathaniel Newberry fit paraître fréquemment des relations des pays étrangers sous un titre uniforme, celui de News. La périodicité manquait seule à ses publications pour en faire des gazettes. 3 ans plus tard, seulement 3 ans, le progrès est accompli. Le 23 mai 1622, Nicholas Bourne et Thomas Archer mettent en vente une feuille intitulée « Les nouvelles hebdomadaires ». Le titre complet est « Les nouvelles hebdomadaires d'Italie, d'Allemagne, de Hongrie, de Bohême, etc. » Un sommaire, encore plus qu'un titre. Le second numéro, celui du 30 mai, et plusieurs des suivants, portent la mention ordinaire, traduit de l'original hollandais, qui constate l'emprunt fait aux pays voisins. Les numéros suivants semblent s'être suivis régulièrement. Mais si le nom de l'imprimeur ne change pas, celui des éditeurs change presque avec chaque numéro. C'est tantôt Nicholas Bourne ou Thomas Archer, tantôt Nathaniel Newberry, William Sheppard. Il semble en fait que plusieurs éditeurs se soient entendus pour faire, chacun leur tour, les frais de cette publication. Le 25 septembre 1622 paraît enfin le nom de Nathaniel Butter. Celui-ci est un ancien papetier dont les affaires ont mal tourné et qui, pour vivre, s'est mis à faire des brochures et à compiler des nouvelles. Ses premiers écrits remontent à l'année 1611 et peu à peu, il est devenu auteur de nouvelles à la main. C'est-à-dire que, moyennant salaire, il adresse par écrit aux gens le récit des événements du jour. C'est alors une profession assez répandue. À partir du 25 septembre, le nom de Butter figure régulièrement et en première ligne sur chaque numéro des Weekly News, joint systématiquement au nom des libraires. Il est probable que les libraires faisaient les frais de la publication et que Butter était chargé de la rédiger pour leur compte. Par un changement qui paraît aujourd'hui tout simple et qui était pourtant une révolution, Butter faisait imprimer ce qu'il s'était jusque-là borné à écrire. Il mettait à la portée de tout le monde ce qu'il avait adressé à un petit nombre de personnes. Et il est à remarquer qu'à partir du jour où le nom de Butter figure sur les Weekly News, les mots traduits du hollandais disparaissent du titre. Chaque exemplaire qui paraît de semaine en semaine porte, outre la date de sa publication, un numéro d'ordre, ce qui met hors de doute la périodicité du recueil. Ce premier-né de la presse anglaise est loin d'avoir les dimensions formidables des journaux à venir. Un seul numéro du Times contient plus de matière que ce que les Weekly News n'en donnaient en une année. C'était en fait une petite feuille in quarto, imprimée sur un papier très grossier, qui contenait à la file les uns des autres et, sans aucune liaison, les événements importants ou singuliers arrivés sur le continent. Une victoire du comte de Mansfeld en Allemagne, un sacrilège à Bologne, un assassinat ou un empoisonnement à Venise, un grand incendie à Paris. Il n'est jamais fait la moindre allusion à ce qui se passe en Angleterre. Les événements du continent sont l'objet d'un simple récit, sans aucune réflexion. Sous ce rapport, les Weekly News ne diffèrent en rien des feuilles volantes qui les ont précédées, mais c'est déjà une grande nouveauté que cet intérêt qui s'attache aux nouvelles du dehors. Un siècle plus tôt, ce que l'on appelle désormais la politique extérieure était l'affaire des rois uniquement, des rois et de leurs ministres. Les peuples y demeuraient absolument étrangers et nul ne prenait souci en France de ce qui pouvait se passer en Angleterre ou en Espagne ou ailleurs. Les guerres de religion mirent fin à cette indifférence mutuelle. Il y eut désormais, à part les rivalités des souverains, un intérêt commun entre les nations. La querelle qui se vidait par les armes, en Hollande ou en Angleterre, était la querelle de tous les protestants et de tous les catholiques. Chaque bataille, chaque prise de ville, mettait une moitié de l'Europe dans la joie et l'autre moitié dans la douleur. Les nouvelles, même des pays les plus lointains, furent dès lors, pour toutes les classes, l'objet d'une ardente curiosité. La propagation rapide et régulière de ces nouvelles devint un besoin public, surtout dans un pays comme l'Angleterre, placé à l'extrémité de l'Europe et isolé du continent par la mer. Il n'est donc pas surprenant que l'époque de la guerre de 30 ans soit aussi celle de la naissance des journaux. Nouveau chapitre, la Gazette de France. C'est en 1631 que paraît le premier journal français, la Gazette de Théophraste Renaudot. Celui-ci était en relation suivie avec des savants, des personnes attachées aux diverses cours d'Europe. Ses nombreux correspondants le tenaient au courant de ce qui se passait dans les pays qu'ils habitaient. Renaudot ne se borne pas à débiter les nouvelles, il les met par écrit et en fait plusieurs copies qui circulent en ville. Ces copies sont bientôt si recherchées que Renaudot pense les faire imprimer et les vendre. Cette anecdote, qui ne s'appuie sur aucun témoignage précis, peut être vraie néanmoins, mais elle a le tort de présenter comme une nouveauté et même comme un fait accidentel une chose fort commune à cette époque. Théophraste Renaudot n'est pas le premier qui ait fait commerce de nouvelles. Longtemps avant qu'il quitta la province, il y avait à Paris même, et plus encore à La Haye, des écrivains dont le métier consistait à rédiger des gazettes manuscrites et à les adresser régulièrement aux gens qui consentaient à payer pour les recevoir. Il existe des collections considérables de ces gazettes manuscrites expédiées par des écrivains français pendant les premières années du XVIIe siècle à leurs correspondants des provinces et de l'étranger. Renaudot, praticien sans clientèle, qui avait à Paris la réputation d'un empirique plutôt que d'un médecin et qui était souvent réduit aux expédients, avait néanmoins le génie des affaires. Il créa à Paris les bureaux d'adresse qui tenaient à la fois de cabinets d'affaires et de bureaux de placement. Et il eut le premier en France l'idée de remplacer l'écriture par l'imprimerie. Il lui restait à rencontrer l'homme par qui il pourrait politiquement faire fructifier son projet. Richelieu, à qui Renaudot demanda l'autorisation de publier et de vendre ses nouvelles, s'empressa de l'accorder. Il fit même de l'impression de la gazette un privilège, ce qui garantissait Renaudot de toute concurrence, mais ce qui mettait aussi son journal dans la dépendance directe du gouvernement. Le premier numéro de la gazette parut le 1er avril 1631. Le succès de la gazette est immense. Le caractère officiel du recueil, l'exactitude et la variété de ses informations sont autant de conditions de réussite. Paris et la province s'arrachent la gazette et il n'était hors de France aucun personnage considérable qui pût s'en passer. Le roi Louis XIII était un lecteur assidu de la gazette. On a même prétendu qu'il y avait écrit quelquefois. Ce qui est hors de doute, c'est que Richelieu fournissait des notes et des renseignements à Renaudot, lui communiquait les faits qu'il avait intérêt à ébruiter et lui confiait par extrait ou en totalité les pièces diplomatiques et les documents dont il voulait porter le contenu à la connaissance du public. La gazette de Théophraste Renaudot avait ainsi, en son temps, une portée politique dont les gouvernements étrangers s'alarmaient. Je ferai la prière aux princes et aux états étrangers de ne perdre point inutilement le temps à vouloir fermer le passage à mes nouvelles, vu que c'est une marchandise dont le commerce ne s'est jamais pu défendre et tient cela de la nature du torrent qu'il se grossit par la résistance. Par la régularité extrême de sa publication, qui ne souffrit jamais aucune interruption, par sa circulation européenne, par l'abondance et le choix de ses matières, la supériorité de sa rédaction et le nombre de ses correspondances, la gazette de Renaudot est un succès complet. Et par malheur, ce recueil demeure unique en France. La Fronde, qui fit éclore tant de milliers de petits pamphlets, ne fit pas naître un seul journal. Le despotisme de Louis XIV, mieux que tous les privilèges, mit la gazette, désormais insignifiante, à l'abri de toute concurrence. La France, à qui nulle nation ne peut disputer l'honneur d'avoir créé les revues littéraires, n'a produit avant la Révolution aucun journal politique. C'est une initiative qui devait appartenir à deux pays libres, la Hollande et l'Angleterre. C'est le moment de revenir à Nathaniel Butter. Le pauvre Butter n'avait point de roi parmi ses lecteurs, point de ministre dans sa clientèle. Il glanait péniblement, au jour le jour, les maigres nouvelles dont il remplissait son petit carré de papier. Il les donnait, toutes sèches, sans se permettre la moindre réflexion, se gardant de tout commentaire. Le vrai journal se faisait alors par correspondance. En Angleterre, comme sur le continent, les grands personnages avaient des correspondants, et cet usage y avait aussi introduit l'industrie des lettres circulaires et des nouvelles à la main. Butter en avait longtemps vécu. La noblesse des comtés, qui venait rarement à la cour, n'avait guère d'autres moyens d'information que ces lettres circulaires. Et les établissements publics, les cafés, qui commençaient à s'établir, avaient soin d'en recevoir quelques-unes afin de se créer, par l'appât de la curiosité, une clientèle plus large, plus élevée. Il fallut un long intervalle de temps pour que la feuille imprimée se substituât complètement à la gazette manuscrite des nouvellistes. Les raisons en sont simples. Les libraires qui employaient Butter étaient fort mal informés et quiconque approchait un peu les grands était mieux instruit qu'eux. Les Weekly News s'aventuraient rarement à parler des affaires intérieures. Les nouvellistes en faisaient le principal sujet de leurs lettres. Non seulement ils racontaient les faits, mais ils joignaient des jugements, des appréciations qu'ils n'eussent pas osé imprimer. Les lettres de nouvelles, les newsletters, comme on les appelait déjà, étaient donc beaucoup plus intéressantes que le journal imprimé, et pendant un demi-siècle, elles lui demeurèrent fort supérieures en circulation et en importance. Le journal faisait de son mieux pour soutenir la concurrence, mais les esprits ne s'habituaient point à l'idée qu'on pût faire commerce public de nouvelles. Une gazette imprimée était une nouveauté si surprenante et qui faisait tant de bruit que le dramaturge Ben Jonson, revenant au théâtre après un assez long silence, crut voir là un excellent sujet de comédie. Il fit jouer en 1625-1626 « Approvisionnement de nouvelles »,« The Staple of News », dans lequel il ridiculisait Butter et son entreprise. Ben Jonson lui donne pour collaborateur régulier quatre coureurs de nouvelles ou émissaires chargés de recueillir tout ce qui se dit à la cour, au cloître de Saint-Paul, rendez-vous des badauds de Londres, à la Bourse, à Westminster ou encore dans les tribunaux. Ben Jonson ajoute à ses quatre nouvellistes un mauvais poète, un docteur en médecine et comme rédacteur irrégulier, lèche ses doigts, une sorte de cuisinier poète qui consacre ses loisirs à faire des devises et autres vers de confiseur. Ben Jonson n'est d'ailleurs pas le seul poète qui ait tourné en ridicule l'entreprise de Butter. James Shirley, dans Les Ruses de l'amour, représenté en 1625, met aussi en scène la grande nouveauté du jour et fait un portrait assez peu flatteur des marchands de nouvelles. Ces gens-là, avec une heure devant eux, vous décriront une bataille dans quelque coin de l'Europe que ce soit, et pourtant, ils n'ont jamais mis le pied hors des tavernes. Ils vous dépeindront les villes, les fortifications, les généraux, les forces de l'ennemi. Ils vous diront ses alliés, ses mouvements de chaque jour. Un soldat ne peut pas perdre un cheveu de sa tête, ne peut pas recevoir une pauvre balle sans avoir quelques pages à ses trousses. Rien n'arrête ces gens-là que le défaut de mémoire. Et s'ils n'ont point de contradicteurs, ils ne tarissent pas. Thank you.